te condamne et puis il t'emprisonne. Te fait miroiter le bonheur et puis il t'empoisonne. Mais il est là au fond de ton cœur, au fond de cette petite lueur. Naissent tes forces et tes plus grandes peurs. L'amour te condamne et puis il t'emprisonne. Et quand il te touche enfin tu en frissonnes. Mais il est là au fond de ton cœur et au fond de cette petite lueur. Naissent tes faiblesses et tes plus grands bonheurs. Je préfère mourir sous le feu de tes yeux. Ton regard, ton sourire, un baiser langoureux. J'aurais préféré sentir un cœur battre pour deux. Je n'ai pas peur de souffrir parce que je suis amoureux. Je n'ai pas peur de l'avenir parce qu'on y voit mieux. Personne ne peut nuire car ses yeux sont mes yeux. Tu as réussi à l'ouvrir, c'est être seul en ces lieux. Tu as réussi à l'aimer, cet homme au regard vieux. On cherche tous à nous amener mes cadeaux. Le monde bouleversé de nos astres, mon Dieu. Le monde éclairé de nos actes délicieux. Et puisqu'il faut tous mourir un jour, je mourrai sous le feu de ses yeux. On cherche tous à nous amener mes cadeaux. Le monde bouleversé de nos astres, mon Dieu. Le monde éclairé de nos actes délicieux. Et puisqu'il faut tous mourir un jour, je mourrai sous le feu de ses yeux. Nombreuses sont les déceptions, les étoiles s'éteignent. On se retrouve comme des cons avec un cœur qui saigne. Des rêves plein la tête et beaucoup d'illusions. Le cœur qui s'arrête et puis sa reconstruction. On se cherche un idéal, une idée de base. On sait qu'on se retrouvera et peu importe la casse. Sur la case au départ, on est tous semblables. On se dit que quelque part, l'amour sera sans doute durable. Alors on se cherche sur les chats ou dans le foule. Peu importe où l'on crèche, tant que le cœur se défoule. On reprend les mêmes mots, pourvu qu'on soit entendu. Qu'on ne nous tourne pas le dos, on se dévoile le cœur à nu. Entre amis devient entre quatre yeux, chacun devient une étoile. Une galaxie d'amoureux, des mélodies, des chorales. C'est le battement de vos cœurs, le soleil, même quand il pleut. On efface toutes nos peurs et on s'enflamme dès que l'on peut. On cherche tous à nous amener mes cadeaux. Le monde bouleversé de nos astres, mon Dieu. Le monde éclairé de nos actes délicieux. Et puisqu'il faut tous mourir un jour, je mourrai sous le feu de ses yeux. On cherche tous à nous amener mes cadeaux. Le monde bouleversé de nos astres, mon Dieu. Le monde éclairé de nos actes délicieux. Et puisqu'il faut tous mourir un jour, je mourrai sous le feu de ses yeux. Entre quatre yeux, chacun devient une étoile. Une galaxie d'amoureux, des mélodies, des chorales. C'est le battement de vos cœurs, le soleil, même quand il pleut. On efface toutes nos peurs et on s'enflamme dès que l'on peut. On cherche tous à nous amener mes cadeaux. Le monde bouleversé de nos astres, mon Dieu. Le monde éclairé de nos actes délicieux. Et puisqu'il faut tous mourir un jour, je mourrai sous le feu de ses yeux. On cherche tous à nous amener mes cadeaux. Le monde bouleversé de nos astres, mon Dieu. Le monde éclairé de nos actes délicieux. Et puisqu'il faut tous mourir un jour, je mourrai sous le feu de ses yeux. Et puisqu'il faut tous mourir un jour, je mourrai sous le feu de ses yeux.